Kilomètres, des musiques et puis des textes pour te pas mal agencer. Et puis le tout enrobé dans des atours séducteurs de gentillerie. Farron, cheur de poids, c'est sûr bien plaire. A tout à part, tout guitare, je sais pas où tout ça finira. Par où t'en venir, pour un biel à mur. Non, qui le sait, qui peut le dire. Et en attendant encore, je promets. Je cherche les failles ou le bien. Et j'emmène ces petits neurones électroniques vers un abîme étrange. Mais je suis pas tout seul dans cette course. Et prenez au résultat certain.